الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله جل وعلا ونشكره على هذه النعم على نعمة الاستقامة ونعمة التفقه في الدين فنسأله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة وبعد donc on va continuer inshallah bi'idhnillah avec l'aide d'Allah et sa permission sans plus attendre sur l'étude des conditions et des comportements et des bienfaits de l'invocation. Et donc on a dit que ce sujet est d'une immense importance du fait qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré parmi les nobles adorations, parmi les grandes adorations, l'invocation. On a dit même que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'invocation c'est l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibada. Donc l'invocation c'est l'adoration. Et donc l'invocation fait partie des grandes adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et donc le serviteur, il a ce bienfait, il a cette immense ni'ma de pouvoir, c'est une grâce qui est inestimable, de pouvoir invoquer directement son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et de là, on a appris que le serviteur, il a ce bienfait-là, de pouvoir invoquer directement son Seigneur, et il peut lui demander tout ce qu'il désire. Il peut demander à son Seigneur tout ce qu'il désire. Et il doit être insistant même dans ses demandes. Et ne passer par personne d'autre. Ne passer par personne, ne prendre personne comme intermédiaire ou intercesseur. Il demande directement à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, jalla wa ala, lorsqu'il nous ordonne de l'implorer et de l'invoquer, Allah nous promet sa réponse et nous promet de répondre à l'appel à celui qui l'invoque. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et donc Allah, jalla wa ala, nous a dit « Invoquez-moi, il répondra ». Comme on avait appris cela dans les assises précédentes. Donc ça, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un bienfait inestimable qu'a le serviteur entre ses mains, dans le sens que il détient quelque chose immense, le fait de pouvoir invoquer son Seigneur à tout moment, à chaque instant, dans n'importe quelle situation, sans chercher d'intermédiaire, sans passer par personne. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette invocation qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré, cette immense adoration. Donc comme on l'a dit précédemment, le serviteur peut invoquer Allah dans n'importe quelle situation, n'importe quel moment. Sauf qu'Allah Jalla wa Ala, par miséricorde, nous a légiféré des occasions. Il y a des occasions, c'est-à-dire il y a des moments. Il y a des moments précis qui sont des bonnes occasions pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et où l'affaire est, où il y a vraiment confirmation ici, sur le bienfait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans des moments bien précis. Donc il y a des occasions à saisir, en l'occurrence par exemple le mois du Ramadan. Par exemple, le mois du Ramadan, ce mois béni, c'est une occasion pour tout croyant de multiplier les invocations et de faire les efforts justement dans la multiplication des invocations. Pourquoi ? Parce que c'est un mois béni, c'est un mois particulier et où les invocations ont un statut particulier. Et c'est pour cela qu'il faut saisir l'occasion. Par exemple, on a l'occasion, d'autres occasions par exemple, le vendredi. Le vendredi, il y a une heure où les invocations, il y a une occasion et un moment précis où les invocations sont exaucées. Par exemple, entre al-adhan wal-iqama. Al-adhan wal-iqama, donc ce sont des moments, des occasions qu'il faut saisir pour les invocations. Il y a d'autres moments aussi. L'important ici, c'est de comprendre que l'invocation a vraiment une place importante. Et donc le croyant ne doit pas être avare envers lui-même et faire preuve d'avarice envers lui-même dans le fait de ne pas multiplier les invocations et dans le fait de ne pas habituer sa personne à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. À n'importe quel moment, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on va apprendre, comme on l'a dit dans la dernière assise, après qu'on ait parlé des conditions de l'invocation. Et hier, on les a réénumérés et on avait continué sur la fin de la mention de certaines conditions que mentionnent et qu'enseignent les grands savants de cette communauté concernant l'invocation. Donc, il faut que le serviteur soit sincère, réellement, avec un cœur présent. Comme on avait dit, Allah Jalla wa Ala ne répond pas à la demande, à l'appel de, à l'invocation de celui qui est insouciant, son cœur est insouciant et distrait, et autres parmi les conditions qu'on avait énumérées. À présent, en ce qui concerne les comportements, les bons comportements à adopter lorsqu'on veut invoquer, les savants nous disent, parmi les bons comportements à adopter, ce qui est recommandé, premièrement, faire les ablutions. Donc il est méritoire, il est recommandé. Donc lorsqu'on dit méritoire et recommandé, pour ne pas dire obligatoire. Donc on n'a pas dit obligatoire, il n'est pas obligatoire d'invoquer avec les ablutions, mais c'est méritoire et c'est recommandé. Donc c'est pour ça que les savants ils disent istihbab al-wudu, istihbab yustahab al-wudu. Donc il est fortement recommandé, il est méritoire de faire les ablutions. Et cela s'est tiré d'un hadith d'après Abu Burda, An Abi Burda, An Abi Musa. Da'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam bima, da'a sallallahu alayhi wa sallam bima i fatawadda bi, thumma rafa'a yadayhi. Faqala, Allahumma ghfir li'ubaydi Abi Amir. Thumma qala, wa ra'aytu bayad ibtayhi. فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. Et donc dans ce récit, on nous apprend qu'un jour le prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, alors qu'on lui a apporté de l'eau, et donc le prophète ensuite, fatawadda bihi, a fait ses ablutions à l'aide de cette eau, thumma rafa'a yadayhi. Ensuite, il a rapporté que le prophète, après avoir fait les ablutions, il a levé les mains et il a invoqué. Et il a invoqué en faveur d'un compagnon en disant Allahumma ghfir li'ubayd Abi Amr. Et il est même dit qu'il dit Allahumma ja'alhu yawm al-qiyamati fawqa kathirin min khalqika min an-nas. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué en faveur de son compagnon en demandant le pardon pour Ubayd Abi Amr. Et aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, Ô Seigneur, fais de lui le jour de la résurrection, élève-le au-dessus de beaucoup de tes créatures, le jour de la résurrection. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'élément illustrant ici, ce qu'il faut retenir dans ce sujet qu'on est en train de traiter, ce thème, concernant la recommandation de faire les ablutions, c'est que le prophète, alors qu'on lui a apporté de l'eau, il a fait ses ablutions, et ensuite, après avoir fait les ablutions, il a invoqué. Il a invoqué. Donc là, les savants, et ce récit qu'on a mentionné précédemment, il est rapporté dans Al-Bukhari et dans Muslim, dans les deux authentiques. Et de ce fait, les savants ont déduit, à travers ce récit, ou à partir de ce récit, la recommandation de faire ses ablutions avant d'invoquer, et que cela est méritoire et fortement recommandé. Et d'ailleurs, on a un autre récit qui nous est rapporté, wa Ibn Hibban, fi Sahihi, par un Sahib Sunan, par un savant qui compilait et qui a recueilli des hadiths du prophète, en somme célèbre, dans les Sunan de Ibn Hibban. Et il rapporte d'après Uthman ibn Hunayf, d'après Uthman ibn Hunayf, أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير فقال أدعوه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إلى آخر الدعاء كما قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي لي اللهم شفعه في. وكذلك أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدرك وكذلك هو في صحيح الجامع للألباني. Et donc dans ce récit, donc c'est comme on l'a dit l'histoire de Uthman ibn Hunayf qui rapporte qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et cet homme était aveugle et donc il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'implorer Allah en sa faveur pour qu'il lui accorde la guérison, pour qu'il le guérisse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: si tu veux, j'invoque en ta faveur. Et si tu veux, akhartu dhak fa huwa khair. Ou si tu veux, on remet cela et c'est meilleur pour toi. Et souvent, vous avez vu dans maintes récits, dans différents récits, souvent les gens, quand ils venaient à l'époque voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il invoque en leur faveur, surtout quand ces gens, par exemple, étaient éprouvés, ils vivaient une situation difficile ou ils étaient éprouvés par quelque chose, alors ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer en leur faveur. Et à l'exemple de cette femme qui venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a demandé au prophète d'invoquer en sa faveur. Et cette femme était touchée de crise d'épilepsie ou l'équivalent. Elle était touchée de crise d'épilepsie ou l'équivalent, et donc elle implorait, plutôt elle demandait au prophète, un jour elle s'est rendue chez le prophète, elle lui a demandé qu'il implore Allah Jalla wa Ala en sa faveur. Et là le prophète lui a proposé, lui a dit: si tu veux j'invoque en ta faveur, ou si tu veux tu patientes et à toi le paradis. Donc parfois le prophète leur proposait cela en disant: si tu veux, j'invoque en ta faveur, ou si tu patientes, à toi le paradis. Ou si tu veux, continuer dans la patience. Et là, par exemple, cette femme donc a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je patienterai, mais demande au Seigneur, invoque pour moi au Seigneur, que lorsque j'ai ces crises, je ne me déshabille pas. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté dans le récit que lorsqu'elle était touchée par ces crises-là, ensuite, indépendamment de sa volonté, elle se déshabillait. Indépendamment de sa volonté, elle perdait les vêtements à cause de cette crise. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, cette femme lui a demandé, demande, je passe entrée, mais demande à ton Seigneur qu'il fasse que quand j'ai ces crises-là, je ne me dénude pas. Et ce que fit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De sorte ici dans ce récit, dans le récit de Uthman ibn Hunayf, qu'on est en train d'étudier, donc cet homme qui était aveugle donc demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'implorer Allah pour qu'il le guérisse. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: inshit da'utu laka, si tu veux j'invoque pour toi, et wa inshit akhartu dhak fa huwa khair, et si tu veux on retarde cela, et cela est un bien, et cela pour toi est un bien. Faqala ud'u, et là l'homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: invoque Allah. Et fa'amarahu, et aussi le prophète en salam, il a rapporté qu'il lui a ordonné an yatawadda. Il lui a ordonné de faire les ablutions. Et il est dit dans le récit fa'yursina wudu'a, et qu'il fasse bien ses ablutions d'une bonne manière, de la plus parfaite des manières. Fa'liyusalliya raka'atayn, et il a enjoint aussi de prier deux unités de prière, raka'atayn, de faire deux unités de prière. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné un dua, lui a enseigné une invocation. Et donc les savants, ce qui est l'élément illustrant dans ce hadith, ce qu'il faut retenir, c'est que les savants ont déduit à partir de ce récit la recommandation de faire les ablutions, que cela est recommandé. Donc an yatawadda al-muslim wa qad sahha fi al-hadith anna rajulan sala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam الدعاء فتوضأ علي صلوات الله وسلام عليه، ثم دعا بعد ذلك، ثم دعا بعد ذلك كما أخذنا هذا في الحديث الأول. Et donc dans ce premier point, parmi les bons comportements adoptés avant l'invocation, pourquoi ? Parce que dans l'assise dernière, on avait dit qu'il y a des bons comportements adoptés, que ce soit avant l'invocation ou pendant l'invocation ou à la fin. À la fin, lorsqu'on veut clôturer notre invocation. Donc parmi les bons comportements, comme l'a pris précédemment, ici ce qui est recommandé, faire les ablutions. Deuxièmement, les savants nous enseignent, deuxième chose, et cela c'est toujours tiré à travers, hein, le Coran et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, istihbab istiqbal al-qibla. Istihbab istiqbal al-qibla. On a un autre comportement qui est recommandé, un autre comportement méritoire, c'est le fait de s'orienter vers la qibla. De s'orienter vers al-qibla, vers la qibla des musulmans, qui est al-Kaaba. La Kaaba, vers la maison sacrée, vers la Mecque, de s'orienter vers Al-Qibla. Pourquoi ? Parce qu'il nous est rapporté d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala an, qala, ja'a Tufayl ibn Amr ad-Dawsi ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Abu Huraira, ce célèbre compagnon, nous dit qu'un homme qui s'appelait Tufayl ibn Amr ad-Dawsi est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'est rendu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour être plus juste. Faqala ya Rasulallah. Alors ensuite, il s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme, Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, et dit: ô messager d'Allah, inna dawsan qad asat wa abat, fad'u Allah alayha. فادعوا الله عليها فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القبلة ورفع يدي فقال الناس هلكت دوس هلكت دوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم رواه البخاري ومسلم فاستقبل كما قيل في الحديث استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلك الدوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا واتي بهم. Et donc quand cet homme Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, donc vous avez vu à travers son nom on comprend qu'ad-Dawsi faisait partie du clan et de la tribu de Daws, donc il faisait partie du clan de Daws, et donc il a cet homme, en s'adressant au prophète, il dit: ô messager d'Allah, inna dawsan, daws, justement, ont désobéi et ont refusé l'appel. Alors invoque Allah contre eux. Alors il demanda au prophète d'invoquer Allah contre daws. Et là, le prophète s'est orienté vers la qibla. Donc il est rapporté dans ce récit que le prophète s'est orienté vers la qibla. Et c'est ça, al-shahid, ha'ouna, l'élément illustrant dans ce hadith, par rapport à notre thème, par rapport à la question qu'on est en train de mentionner, ce qui est recommandé dans l'invocation, le fait de s'orienter vers la qibla. Donc là, le prophète, comme il est rapporté, fastaqbala Rasulullah sallam, sallallahu alayhi wa sallam, al-qibla. Donc le prophète s'est orienté vers la qibla. Wa rafa'a yadayhi. Et il a levé ses mains. Et là, il allait invoquer. Et les gens ont commencé à dire « Halakat daous », les daous vont périr. Les daous vont périr. En quelque sorte, avec nos termes familiers à nous, hein, pour mieux comprendre, ils sont finis. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, commença à invoquer. Et il dit « Allahumma hadi daousan wa tibihim ». Et là, le prophète a dit « ô Seigneur, guide les daous ». Guide les daous et fais-les venir. Regardez l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé pour eux, en leur faveur, la guider. Il n'y a pas meilleure chose que demander la guider en faveur de quiconque. Il n'y a pas meilleure invocation. Parmi les meilleures invocations, demander la guider. Allahumma hadi daousan wa atibihim. Et en l'occurrence, Regardez ce qui souligne ce qu'on vient de dire, ce qui appuie ce qu'on vient de dire. Il est rapporté que vous avez vu dans Sourate Al-Fatiha, donc on invoque Allah, il y a une invocation. Allahumma ihdina, lorsqu'on dit dans Sourate Al-Fatiha, pardon, Al-Fatiha, on dit ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. On demande à Allah qu'il nous guide vers le droit chemin, vers sirat al-mustaqim, qui est la voie droite, le chemin de rectitude, la droiture. Et vous avez vu, donc on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide dans le droit chemin à chaque fois qu'on prie, à chaque fois qu'on lit surat al-Fatiha. Et cela, après qu'on dit « Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in » après qu'on dit « C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous appelerons l'aide et l'assistance. » Donc à chaque fois qu'on dit « Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in » ensuite on dit « Ihdina » Sirat al-mustaqim. Ensuite, Seigneur, guide-nous vers le droit chemin. Et Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, un grand savant de notre communauté, il disait que quand il a observé les différentes invocations que le musulman peut faire et que le musulman fait, comme c'est mentionné dans les textes, il dit qu'il n'a pas trouvé une meilleure invocation si ce n'est d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala la guider vers le droit chemin. Et c'est pour ça que la guider vers le droit chemin, lorsqu'on implore Allah Jalla wa Ala en faveur d'une tierce personne, que ce soit un proche ou autre, on implore en sa faveur la guider, qu'Allah le guide dans le droit chemin, ou bien on implore pour nous-mêmes, ou bien pour nos enfants, pour notre descendance, demander pour eux la guider. Pour nos parents, demander pour eux la guider. Et il n'y a pas une meilleure invocation si ce n'est la guider. Parce que si la personne elle est guidée dans le droit chemin, alors cette personne, la khawfun alayhi wa la yahzan. Cette personne, il n'a plus à avoir peur, il n'a plus à être attristé. La personne qui est guidée dans le droit chemin, donc, ça veut dire qu'Allah Jalla wa Ala l'a écarté, l'a sauvé de l'égarement. Ad-dalal. Et c'est ad-dalal qui mène vers le mal, et vers le jahannam, et vers le châtiment. Et le feu, tandis que la guider, lorsque l'individu est guidé dans le droit chemin, alors il récolte tout le bien qu'il y a dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour ça que là, vraiment, implorer Allah al-hidayah ou al-huda, la guider, c'est vraiment une invocation qui est immense et inestimable. Il faut juste méditer cela. C'est pour cela que lorsque des gens se plaignent de leurs dirigeants, de leur autorité, de leur gouverneur, il faut implorer la guider pour eux. Il faut implorer la guider pour eux. Et non pas les insulter ou faire des invocations contre eux dans le sens que ça va rajouter de l'égarement à leur égarement. De l'égarement à leur égarement. Pourquoi? Parce que si il aurait rajouté de l'égarement à leur égarement, alors ça ne va pas aller dans le sens des bienfaits et des intérêts des hommes et des gens de la société. C'est pour cela que un pieux prédécesseur disait, si j'avais une invocation, si je savais que j'avais une invocation qui était exaucée, je l'aurais fait pour l'autorité, pour le dirigeant. Pourquoi? Parce que ça va dans l'intérêt de tout le monde. Et ça va dans l'intérêt de soi-même, de celui qui invoque. Si le dirigeant, il est réformé, si sa situation, elle est améliorée, si il est guidé dans le droit chemin, donc ensuite, s'il est guidé, et donc il fait preuve de piété, c'est pour l'intérêt de tous les hommes. C'est pour l'intérêt de ceux qui vivent justement sous le règne de cette autorité, sous le règne de ce dirigeant. Donc c'est pour cela, il faut se rendre compte de l'importance des invocations et des significations. Et des significations des invocations. En l'occurrence, regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en faveur de Daous. Et il a dit « Allahumma hdi Daousan wa ati bihim » et fais-les venir. Et donc ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et par Muslim et aussi par l'imam Ahmed dans son Musnad. Et d'ailleurs, donc, on a dit que dans ce hadith, l'élément illustrant, c'est qu'il nous est rapporté que le prophète, sallam, a istaqbal al-qibla, s'est orienté vers la qibla, il a levé les mains, ensuite il a invoqué. Et c'est par rapport à ce point-là qui nous est rapporté dans ce récit, cette information-là, que les savants aussi ont déduit. On déduit donc que cela fait partie des bons comportements, des choses méritoires, à faire avant l'invocation, s'orienter vers Al-Qibla. Donc on a bien dit que c'est quelque chose de recommandé, quelque chose qui est recommandé et méritoire. Et méritoire. Si la personne, par exemple, ne s'est pas orientée vers la Qibla, nul grief, il n'a pas commis un péché. Il n'a pas commis un péché. Ce n'est pas un wajib. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les termes. Ici, ce n'est pas une obligation dans le sens que si la personne qui invoque Allah et ne s'est pas orientée vers la Qibla, il a commis un péché. Non, il n'a pas commis de péché. Mais il est recommandé et il est méritoire de s'orienter vers Al-Qibla. Vers la Qibla, comme cela nous a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa an Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala an, lamma kana yawm Badr. Et d'après Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala an, lorsqu'il y a, il nous est rapporté aussi un autre récit, le jour de Badr, de l'expédition de Badr, nadara. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلان فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يدي. Et dans ce récit, Omar رضي الله تعالى عنه nous rapporte que le jour de Badr, le prophète صلى الله عليه وسلم a observé les mushrikin, les polythéistes qui étaient en face. Et ils étaient 1000. Ils étaient wahum elf, environ 1000. Wa ashabu 319 rajulan. Alors que ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient un peu plus de 300. Et plus précisément, dans ce hadith-là, il nous est mentionné, ils étaient 319. Ils étaient 319 et face à eux, il y avait 1000 polythéistes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fastaqbala Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam al-Qibla. Et donc dans ce récit, il nous est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite s'est orienté vers la Qibla, et donc il a levé ses mains pour invoquer. Et là les savants aussi déduisent de ce hadith que donc s'orienter vers la Qibla, c'est quelque chose de recommandé. Dans un autre récit aussi, il nous est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman yastasqi fa hawala an-nasa dhahra yad'u Allah wa istaqbala al-qiblata wa hawala rida'a thumma salla rak'atayn rawal bukhari wa muslim wa ahmad fi al-musnad wa abu daoud. Et donc il nous est rapporté aussi dans un autre récit quand lorsque le prophète sallam était sorti pour faire ce qu'on appelle la demande de la pluie. Donc il a imploré et invoqué Allah pour qu'Allah fasse descendre et tomber la pluie. Alors il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam istaqbala al-qibla. Istaqbala al-qibla. Et donc il invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en orientation de al-qibla. Et ensuite il fit deux rak'at, deux unités de prière. Et ce récit rapporté par le Bukhari wa Muslim ou Ahmed dans le Musnad et Abu Daoud. Donc moi je vous ai juste traduit la partie du récit où qu'il y a l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est orienté vers la Qibla lorsqu'il a fait justement El Istisqa, la demande de la pluie. Pour cela, an yastaqbil ad-da'i al-Qibla wa dhalika li anna ashraf al-majalis makana bi-ittijah al-Qibla wa istiqbal al-Qibla 'inda qira'ati al-Qur'an wa adh-dhikr wa ad-du'a amrun mustahsan wa yanbaghi lil-muslim an yahris 'alayh. Pour cela que les spécialistes, donc les savants, disent Il est bon donc de s'orienter vers la Qibla, que ce soit aussi par exemple pour la lecture du Coran, ou que ce soit aussi pour le dhikr, pour faire du dhikr, de l'évocation d'Allah, que ce soit comme on l'a dit précédemment, pour les invocations. Tout ça, c'est des choses qui sont méritoires. Comme on l'a bien appuyé sur ça, on a bien insisté sur ça, c'est des choses qui sont méritoires et fortement recommandées. Et donc le musulman doit être désireux de pratiquer ces choses méritoires. La troisième chose, parmi les comportements, les bons comportements adoptés, les bonnes choses à faire, qui sont recommandées lorsqu'on veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, an yarfa' ad-da'i yaday wa raf' al-yadayn qabl ad-du'a wa waradat bihi ahadith mutawatira walakin la yanbaghi an yarfa' ad-da'i yaday fi kulli du'a. Et donc, la troisième chose, c'est le fait d'élever les mains, de lever ses mains. Lorsqu'on veut invoquer Allah, Jalla wa Ala, le fait de lever ses mains et ensuite d'implorer Allah, subhanahu wa ta'ala, après avoir levé ses mains. Donc, vous avez vu, ça fait partie des comportements recommandés avant l'invocation. Avant l'invocation. Donc, lever ses mains, les preuves sont nombreuses. Donc, on a, dans les hadiths précédents, déjà qu'on a mentionné aussi bien pour la recommandation de faire les ablutions et pour la recommandation de s'orienter vers la Qibla, ces différents récits qu'on a mentionnés, qu'on a cités, il y a la mention du fait de lever les mains. Donc il y a cette information-là, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, levait les mains. Donc il est bon. Donc il y a de nombreux hadiths qui nous sont rapportés de voies multiples, où il nous a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, levait les mains ou bien exhortait à lever les mains lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, les savants nous disent que la yanbari an yarfa ad-da'i yadayhi fi kulli du'a. Par contre, il ne convient pas de lever les mains à chaque fois qu'on invoque, pas tout le temps. Pas tout le temps. Pourquoi? Parce que les savants disent que cela n'est pas mentionné dans les textes, de le faire tout le temps, de le faire tout le temps. À savoir aussi qu'il y a des moments où il nous est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète levait les mains, que le prophète levait les mains. Tout le temps. Par exemple, après les prières. Après les prières, beaucoup, à chaque fois après les prières, lève les mains. Lève les mains et invoque Allah avec les mains, donc levé. Ça, il ne nous est pas rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, levait les mains constamment après chaque prière. Après chaque prière. Donc si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas rapporté de sa part qu'il levait les mains après chaque prière, donc, il ne convient pas aux musulmans de le faire, car le prophète ensemble lui-même ne l'a pas fait. Surtout si celui qui lève les mains après chaque prière pense que c'est une tradition prophétique, que c'est la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pense qu'il faille le faire à chaque fois. Ça, les savants nous disent que non. Il ne nous est pas rapporté du prophète que le prophète, constamment après les prières, levait les mains. Si ça arrive de temps à autre, les savants disent qu'il n'est pas interdit. Par contre, penser que c'est une sunna, une tradition du prophète, et qu'il faille lever à chaque fois les mains pour invoquer Allah après la prière, cela n'est pas rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. De temps à autre, les lever en sachant que c'est pas forcément une tradition prophétique de lever les mains constamment après la prière, cela, beaucoup de savants l'autorisent. Lorsque lever les mains, cela se fait de temps à autre, de temps à autre. Et le fait ensuite de lever les mains et ensuite de s'essuyer le visage, de passer les mains sur le visage, comme beaucoup font après la prière, ils lèvent les mains, ensuite ils passent les mains sur le visage. Ça, beaucoup de savants nous disent que il y a un récit qui est rapporté, mais ce hadith est faible. Le hadith est daïf et le hadith n'est pas authentique. Comme stipule cela, l'éminent, c'est le grand illustre savant, Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala. Donc le fait de lever les mains ensuite, de s'essuyer le visage, de passer les mains sur le visage, les savants, les spécialistes, hein, les traditionnistes, disent que ce hadith n'est pas authentique. Ce hadith n'est pas authentique. Donc on a cette sunna du prophète, cette recommandation de lever les mains, de lever les mains. Par contre, dans des situations où il nous est pas, c'est-à-dire que les savants disent, par contre, il ne convient pas de lever les mains tout le temps. Il ne convient pas de lever les mains tout le temps car cela n'est pas rapporté. Par exemple, dans d'autres situations où les gens lèvent les mains, où les gens lèvent les mains constamment alors que cela ne nous est pas rapporté, par exemple, lors de la khutbah du vendredi. Lors de la khutbah du vendredi, du prêche du vendredi, lorsque l'imam à la fin fait des invocations, là, il n'est pas rapporté que les fidèles doivent lever les mains pendant les invocations. Et donc, pendant que l'imam fait les invocations, il lève les mains et il dit Amin. Donc, il n'est pas rapporté qu'ils doivent à ce moment-là lever les mains. Lever les mains. Mais ce qui incombe aux fidèles, c'est d'écouter et dua, donc d'être là, présent, d'écouter et dua, mais pas forcément à ce moment-là de lever les mains. Ce qui est rapporté, par contre, où on peut lever les mains, c'est lorsque l'imam, s'il fait la demande de la pluie. S'il invoque et à un moment donné, il demande la pluie, il fait l'invocation, ce qu'on appelle l'istisqa, demander la pluie. Alors à ce moment-là, l'imam va lever les mains. Il va lever les mains et là, les fidèles peuvent lever les mains. Peuvent lever les mains si ils demandent la pluie. Donc, d'une manière générale, c'est pour ça que j'ai fait ces petits points, ces petites précisions. Pourquoi? Pour qu'on puisse bien discerner et faire la part des choses. D'une manière générale, on lève les mains, on peut lever les mains lorsqu'on invoque Allah, et c'est même recommandé. Donc on résume, on conclut en disant, il est recommandé, et c'est pour ça que les savants citent, que parmi les comportements de l'invocation, les bons comportements adoptés, parmi ce qui est recommandé et méritoire de lever les mains. Donc ça, le musulman lève les mains lorsqu'il invoque, il peut lever les mains lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, cela ne se fait pas, comme disait avant, constamment. Par exemple, après chaque prière, il lève les mains. Ou pendant la khutbah avec l'imam, l'imam invoque, il lève les mains. Et constamment. Cela ne se fait pas forcément constamment. Mais par contre, il est recommandé à des moments, lorsqu'on veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de lever les mains. De lever les mains. Donc ça, c'est une précision importante. Ce qu'il faut retenir de ce point-là, le caractère général de ce qu'on vient de citer, la recommandation et le fait qu'il est méritoire de lever les mains lorsqu'on veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait mentionné ces comportements avant, donc ce sont des comportements qui sont bons et méritoires à adopter avant l'invocation. Donc on récapitule, le fait de faire ces ablutions, le fait deuxièmement de s'orienter vers al-Qibla, et troisièmement le fait de lever les mains. Le fait de lever ses mains lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu tabaraka wa ta'ala wal a'lam. Wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين